article Hosanna numéro 16, Jésus-Christ est ma sagesse. son nom. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous t'adorons de tous nos cœurs, nous vénérons ton grand nom, nous l'élevons par-dessus tout, nous l'aimons plus que tout, nous le sanctifions du fond de cœur, et nous le disons glorieux et merveilleux, Dieu immuable, aux voix insondables, Dieu qui agit de manière inattendue, qui surprend agréablement, qui croient en lui. Il lui a promis qu'ils ne seront pas confus. Prends le défunt de la scène maintenant et bénis la réunion de ce matin au nom de Jésus Christ. Que ta gloire se manifeste, la gloire de la Shekinah, la fidélité de Dieu. Nous voulons revivre ta merveille, reconnaître ta puissance et que Jésus Christ est vivant dans son peuple. Parlons ses promesses. Guide cette réunion. Agrée tout ce qui a été fait en toute humilité, Seigneur. C'est pour ton honneur que nous le faisons. Et c'est par amour pour toi que nous persévérons. Bénis cette réunion et la prédication de l'évangile donne force à chaque croyant, à chaque participant de tirer la meilleure part de Jésus, d'être béni et édifié pour la gloire du Seigneur. Sois avec nous tout le long au nom de Jésus-Christ et guéris les malades dans la force aux faibles, Seigneur, et par le Saint-Esprit dans les cœurs et dans nos âmes, les sons du Dieu vivant à ceux qui en connaissent la valeur, qui en ont tellement soif, qui les désirent, les réclament, qui t'obéissent et obéissent à tout ce que tu as donné comme conseil. Honore notre poids, Seigneur, et pardonne nos péchés, toutes nos fautes divines, nos chutes, nos rechutes. Pardonne au nom de Jésus et que par le sang rédempteur nous soyons tenus plus blancs que la neige. Nous avons confiance que tu garderas ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, dans l'église et partout. C'est pour ta gloire. Au nom de Jésus Christ nous prions ici. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu à la grâce de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Penzambe asti baoyo boyekati na lingomba, na liboso bantoma, na mibale basakoli, na misato balakisi, na sima basali na bikamuseli, na sima basungi pe babongisi pe balobina maloba na ndenge na ndenge. 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Babiki samiete bakufa ete tojali etali salon pona mokili pe pona banje pe pona bato. 2 Corinthiens chapitre 12 kona mibale ya bakolete mokapo verset 11 et 12 mibale. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint, c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Najali elema, nebino, bupesa kingai simbisi, ekokaki na ngai ete namikumisa na bino ata najali eloko te najali nsima na bantoma yango na kitoko te bilembo na ntoma na solo esili komona na kati na bino na etingia nyonso na bilembo mpe na bikamwisi mpe na misala na nguya. Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Dans l'amour de Dieu. Sentez-vous à l'aise. Et sentez-vous mieux. Ah, que Dieu vous bénisse. Tiens. Oh, c'est Pasteur Gauthier. Il a fait la surprise ici. Que Dieu vous bénisse, je viens de vous voir ici. Merci beaucoup. Vous allez nous saluer à la fin. Alors, ok, nous allons avancer avec la prédication de l'Évangile. Ok, alors, nous avons lu à trois endroits comme témoignage à la vérité que nous voulons partager aujourd'hui. Et vous verrez dans les trois passages que nous avons lus, il y a un mot qui revient et qui apparaît dans les droits, et ce mot est au pluriel. Hein? Dans les trois passages bibliques que nous avons lu, bien que c'est l'épître du même auteur, en fait, le même écrivain, Paul, toujours à la même église de Corinthiens. Bon, on voit là, il y a Corinthiens 12, verset 28, il y a un mot qui est là. Et ce mot-là, c'est apôtre. Et c'est mis au pluriel. Parce qu'il s'agit là de plusieurs. Et puis, 1 Corinthiens 4, verset 9, le même mot qui était là-bas, au chapitre 12, verset 28, apôtre toujours. Thomas. Et puis, dans 2 Corinthiens 12, le verset 11, et surtout le verset 12 ici. Donc, le mot apôtre, revient, mais, c'est dit, et zongi, kasi, l'épreuve de mon apostolat. L'épreuve de mon apostolat. Et au verset 11, il a dénoncé les apôtres par excellence. Donc Paul dit, bon, j'ai été insensé, mais c'est vous, les Corinthiens, qui m'y avez contraint. Vous m'avez poussé à réagir comme un insensé, à commencer à faire. Mais c'est vous, par vos attitudes, par vos agissements, vous m'y avez contraint. Mais je n'ai été en rien inférieur aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien. Donc même en allant dans ce langage qui paraîtrait un peu insensé, ou exhibitionniste, mais néanmoins il reconnaît qu'il n'est rien. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu. La modestie et l'humilité, ce sont des valeurs chrétiennes. La modestie et l'humilité. Et c'est le même Paul dans 1 Corinthiens 15 qui parle de ce qui a été fait après la résurrection de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15 au verset 4, il parle d'abord de Jésus, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5, et il est apparu à Kepha, puis aux 12. Les 12. Ceux-là qu'on appelle 12, en bref, ce sont les 12 apôtres. Les 12, aux 12. Au lieu de dire 12 apôtres, on peut aussi dire ce langage des 12. Et lui qui s'y connaissait savait qu'on faisait allusion aux 12 apôtres. 12 apôtres. Et réapparu. Et ensuite, il est dit, au verset 7, verset 7 à 9. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'apôtre. Mais écoutez le verset 9 sur lequel j'attire l'attention concernant la personne de Paul. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'église de Dieu. Je suis le moindre des apôtres. Oh. Car je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Un grand titre, un grand ministère comme celui-là. Je ne suis pas dit. Et pour quelle raison? Parce que je persécute l'église de Dieu. Vu mon passé chargé. Très peu élogé. Quant au christianisme, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. J'ai persécuté l'église de Dieu. Moi, Paul. Mais qui a alors fait de lui apôtre? Nani a commis Saint Thomas. Lui-même n'en était pas digne. Il ne se juge pas digne. Il n'en fait pas un sujet de gloire. Un sujet de publicité ou d'excellence. Mais qui a fait de lui apôtre? Nani a commis Saint Thomas. Dans son épître aux Galates. Il dit ceci au verset 1. Chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre. Non de la part des hommes. Pas de la part des hommes. Mais s'il se désigne apôtre, il s'appelle apôtre. C'est pas de la part des hommes. C'est pas eux seuls qui lui ont décerné ce titre-là. Ni par un homme. Il serait un homme spécial, un homme grand, un homme populaire, puissant. Même pas par un homme. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il a ressuscité des morts. Galates 1, verset 1. Et pas une abatoté, soko nanzela na batoté, kasi nanzela na Jésus Christo, pe na nzambe, tata oyo a sekisie kati na bakufi. Donc, en lingala, ils ont pris le verset 2, ils les ont mélangés, donc ils ont pris la partie du verset 2, mais bon, à tête là-bas. Alors, ça donnait comme une différence du texte qu'on a lu en français. Donc, ils ont mélangé le verset 2 et 1, en prenant le verset 2, mettant pas à tête. Gaïtoma Paolo 1. Or, c'est son verset de qui il dit, et nous, les, et tous les frères qui sont avec moi. Mais ils ont mis ça au premier verset. Voilà. Ok. Alors, au moins, traduit à partir de, du français ici directement. Comme ça, nous resterons dans la même pensée. Paul, apôtre. Ok. Paul, apôtre. Paul, Thomas. Ok. Non de la part des hommes. Ni par un homme. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Qui l'a ressuscité des morts. C'est révélateur et c'est distinguant. Ça révèle d'où provenait sa qualification d'apôtre. Mes chers amis, ça venait de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Êtes-vous là? Vous allez voir là? C'est Jésus-Christ qui a fait de lui apôtre. Et d'aller Jésus-Christ n'a fallu à Zalantoma. Selon ce que Paul lui-même dit. Olandela ou Yemoko Paul. non pas en lui disant directement, je fais de toi apôtre. Ou que j'étais établi apôtre. Ou que je t'envoie comme apôtre. Dans ces commissions, vous ne trouvez pas ce langage direct. Jésus-Christ, vous verrez que Jésus-Christ lui est apparu. Il lui a parlé dans une vision aussi dans Actes des Apôtres. Vous voyez de quelle manière il a essayé de, d'insinuer cela. Acte chapitre 22, versets 17 à 21. De retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi en extase. Nasi mala kolongwa nangai na Yerusalemi na jalaki kati na tempelo ko pepe na tempelo. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait. Il a vu le Seigneur qui lui disait. Il y a une vision. Ok. Yo. Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Pe na moni ye koloba nangai eti bimano kino ki longwa mbango na Yerusalemi ko ete bakuyamba matatoli na yote. Et j'ai dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Il a le dit, Kolo, Bango Penza, Baye Biete, Ngai Najali, Najalaki Kokanga Bandiminayo, Naboloko, Peko, Beta Bango, Pimbo, Nabianga Nilo. Et que lorsque on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Pewana esopaki makila na Stefano, motato minayo, ngai penza na telemaki wana pe, nandimaki likambo yango pe, nasengelaki bilamba na bango, bajalaki kobumaye. Alors il dit au verset 21, c'est là où nous attirons encore l'attention. Alors il me dit, c'est le même Seigneur qu'il avait vu, qui continue à lui parler. Les mots de voléance et les réalités auxquelles il a fait face. Le Seigneur est venu donner raison à sa plainte, sachant qu'il n'allait pas, ou n'allait pas le croire. Et lui-même dit à Paul, sors, hâte-toi, sors de Jérusalem. Parce que ton témoignage sur moi ne sera pas pris. Sors de là. Je connais tout ce qu'il y a dans la pensée des gens. Après qu'il ait expliqué, justement, mais ils ont raison de ne pas recevoir mon témoignage sur moi. Je te l'avais dit dès le premier jour. Tu pouvais envoyer quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as dit moi que j'ai. Voilà maintenant. En d'autres termes. Maintenant, le Seigneur lui dit, va, verset 21, je t'enverrai aux lois vers les nations. Alobina ngaye te kenda na yo, pwete ngaye na kotinda yo, na bapagano musika. Va, kenda, je t'enverrai aux lois vers les nations. Lui, Jésus-Christ, le Seigneur. Ye, Jésus-Christ, son colo. Il déclare à Saul de Tarse que lui, Jésus-Christ, pas un homme, pas un groupe d'hommes, mais lui-même le Seigneur qui est apparu. Il lui dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Pourquoi cette tournure dans le ministère? Parce que dès le commencement, quand le Seigneur lui avait parlé, nous voyons bien qu'il avait dit qu'il l'envoyait vers ce peuple d'Israël et vers les autres. Alors il devait le laisser travailler d'abord en Israël. Jusqu'au point où Israël montrerait le degré d'intolérance à ses exagéré, manifesterait le refus et le rejet. Alors Dieu aura raison pour l'envoyer ailleurs. Retournons dans Actes chapitre 26. Dès le départ, dans les témoignages de Paul, le Seigneur était clair. Il ne l'envoyait pas uniquement vers les nations. Alors dans Actes chapitre 26, quand il rappelle son témoignage, oh, il dit ceci, verset 15, à 17. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Ça, c'est l'expérience sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Kasi tema na makolo na yo, po ete na monani na yo, na tina oyo, ete na chayo mosale ilangai, na motatuli, na makambo masili yo komona ngai na yango. Pe na makambo makomona yo na ngai na yango. Et verset 17, Zominasambo. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Quel peuple? Gota nini? D'Israël, auquel il appartenait par sa naissance, par sa croissance, par son histoire. Je t'ai choisi 10 milliers de son peuple et 10 milliers de païens. Pourquoi 10 milliers de païens? Parce que Paul avait la citoyenneté romaine. Bien qu'un hébreu, né des hébreux, mais il avait acquis la nationalité romaine. Donc il était à la fois un juif, un israélite, et aussi un citoyen romain. Et le Seigneur dit, je t'ai choisi là, du milieu de son peuple d'où tu es né, et du milieu de païens. Hein? Vers qui je t'envoie? Donc il a envoyé où? C'est les deux. Il a envoyé parce qu'il a choisi 10 milliers de son peuple d'Israël et 10 milliers de païens. Et il l'envoie vers les deux. Il est dit, vers qui? Je t'envoie dès le départ. Mais avant d'aller exercer son ministère au profit des païens, il devait l'exercer d'abord au profit des juifs. Comme lui-même Paul a dit dans Romains chapitre 1, je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quelle est la terminaison du verset? Du juif premièrement et du grec ensuite. L'ordre de la prédication de l'évangile. Dans le plan du salut, Dieu a envoyé Jésus-Christ à Israël d'abord. Et quand Israël a rejeté, il s'est tourné vers les païens. Et quand le Seigneur choisit l'apôtre Paul, il a respecté son même modèle. Il l'envoie vers son peuple natif d'abord. Et quand son peuple rejette, il oriente vers les païens, vers les gens. Dieu est fidèle à sa parole. Dans chaque génération, dans tous les âges, il est le même. Il ne changera jamais. Notre Dieu est immuable, vous le savez. Pas étonnant que dans l'exercice du ministère, dans Actes au chapitre 13, vous le savez, Paul et Barnaba ont fait face à une opposition terrible avec une injure publique. Quelle humiliation. Acte chapitre 13, le verset 44 à 48. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Bota la bin na sabata na sima pene pene bato yonso na mboka bayangani kuyoka liloba na Nzambe. Les juifs encore eux kibosu bango lisusu, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Nde emoni bayuda Bibele na bato, batonda ki na zuwa pe, bakotoli monoko na Paulo pe, batuki. Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous, quoi? Premièrement vous les Juifs. Que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ne parlons pas Barnaba balobi na bolende ete. Et bonga ki kosolola liloba na nzambe na bino liboso nde awa bino penza bobongi na bomo na sekote sasa ipi tokobongwa epai na bapagano. Ne awa bobongi na bomo ya sekote. Ne babongi na bomo ya sekote. Ne parlons pas Barnaba balobi na molende ete. Et bonga ki kosolola liboso na nzambe na bino liboso nde awa eboyi bino yango. Voilà. C'est vous avez sauté. Ekanisi bino ete bino penza bobongi na bomo na sekote sasa ipi tokobongwa epai na bapagano. Donc on ne s'est pas tourné vers les païens à l'occasion derrière. Baluka ki bobele pamba ke epai na bapagano. Ou par simple menace et des invectives. Na lolenge ya ko pamba ya twa lolenge wana. Oh bomoni bino bilonge na bino se bina bisote. Allez, bon wow, tokei. Non, c'est pas ça. Bongo te. On leur a présenté d'abord l'évangile. Mais regardez à quel point ils sont devenus hostiles. Très jaloux du succès que l'évangile a donné. Ils sont devenus terre à terre. Ils se sont fait opposants directs. Et pour désorienter et déconcentrer le prédicateur, ils ont commencé à balancer des injures en public. Imaginez pour quel climat ça va s'aimer parmi eux. Pendant qu'on prêche, répentez-vous. Dieu a annoncé quelqu'un là-bas balance des injures. Donc il n'y a pas un seul orateur, mais il y a maintenant plusieurs orateurs. Donc le prédicateur parle là-bas, l'autre là-bas parle, l'autre encore balance des injures, une autre dame là-bas parle. C'est la confusion. Ne pouvons pas prêcher dans ce climat-là. Dans les Barnabas. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que nous cherchons après tout? C'est pour leur salut. Ils n'allaient pas dans le bico nabango. Mais regardez ce qu'ils font. En bref, disons-les. C'est fini. Avec assurance. Ce n'est pas un hésitant. Ils allaient te montrer un langage de personnes molles. Ils ont parlé avec assurance. Donc, Et ça vous regarde. Ils leur ont répondu avec assurance. C'est à vous premièrement que cet évangile devait être annoncé. Mais parce que vous les repoussez, vous repoussez la parole. Et par ce comportement de l'Église, et hostilité, vous vous jugez vous-même indigne d'hériter la vie éternelle. À cause de ce que vous avez fait, nous nous tournons vers les païens. Nous n'allons plus vous annoncer à vous les Juifs les païens. Ok. Car ainsi, verset 47, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pwete kolo alakibi sobongo ete, nasili kotayo mpona moi na bapagano, ete oja lampona lobiko kino suka na mukili. Ekoute maintenant la drôle de réaction. Les païens qui étaient aussi dans la foule. Bapagano bazala ki na... Et qui étaient venus nombreux bien sûr pour écouter l'évangile. Attirés par le Seigneur. Aimant les choses de Dieu. Ils n'avaient pas de conflits partisans comme les Juifs. Entre là-bas, les pharisiens, les sadducéens, mais pour sacrifier Jésus-Christ, ils ont oublié leurs divergences. Ils sont allés se réunir dans le Sanhédrin. Pour tenir le même langage et crucifier Jésus. Mais quand ils se retrouvaient entre eux, il n'y avait pas d'accord. Les pharisiens croient une chose, les pharisiens croient le contraire. Imaginez. Les Sadducéens ne croyaient pas à l'existence des anges. Pour eux, les anges n'existaient pas. Ils ne croyaient pas non plus à la résurrection des morts. Mais les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Et ils croyaient à l'existence des esprits des anges. Ces doctrines diamétralement opposées. Mais quand il fallait sacrifier Jésus, ils ont oublié leur querelle doctrinale. Ils sont allés se regrouper dans une histoire. Tout ça contre les intérêts du Seigneur. Et voilà maintenant, quand il voit que le Seigneur est en train de réussir sur le terrain, il réussissait par ses serviteurs, bien que lui-même physiquement était déjà liquidé, n'était plus là. Mais son entreprise avait un grand succès. Un succès que les chefs ne pouvaient pas glaner. Vous vous souvenez que Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous vous promenez à travers les mers. Vous vous rappelez de ça? Vous allez vous voyagez à travers les mers et les océans. Vous allez pour faire un seul prosélyte. Donc, mais ils doivent faire plusieurs voyages, hein, et à la fin, attraper un seul prosélyte. Mais vous vous êtes mis à la porte du royaume de Dieu. Vous empêchez ceux qui veulent entrer. Et vous-même, vous ne voulez pas y aller. Vous êtes obligés de scandale. Mais quand vous faites vos navettes là-bas, vous tournez, appelez être missionnaire, voyage missionnaire, vous ne revenez qu'avec un seul prosélyte. Et une fois que vous l'avez converti à votre religion, vous en faites un fils de l'enfer. Délivrer l'enfer deux fois plus que vous. Quelle situation déplorable. Maintenant, des gens qui avaient un tel fiasco sur le terrain. Baba de voyage yo. Libungu tulu. Bakende boye. Fiasco. Bakoya kaka na mundi mimoko. Darane bakolenge le yao. Tellement pendant que vous jouez batoki. Ils ont déboursé l'argent. Mais ils voient Paul qui était de leur côté et qui a souffert avec eux pour avoir des prosélytes. Voyez là, parce que lui-même était d'abord un pharisien. Mais quand il a rencontré ce Jésus-là, Jésus a changé son influence. Il a rendu capable de gagner des milliers d'âmes à la fois. Il fallait que tout ça soit sur le compte de notre groupe. Il pouvait amener tout ça en faire des pharisiens. Oui. Mais maintenant là, lui seul là, lui croit quoi? Il faut prouver. Quand la place à ce que côté, il y a fait bénité. Face à face. A ce côté, il faut que tu colombes. Il y a ce côté, ils sont venus parler là-bas. Oh non! D'ailleurs, tu es ceci, des terrible de soi. Vous allez non. Mais c'est à vous qu'on est là, monsieur. Vous voyez les foules réunies, et cela a envenimé mon cœur. Parce que ce qui s'est fait, cette attraction qui s'est créée, vous êtes incapables de la produire. Vous allez m'accoquiter à cause de la foule. Vous avez dit que l'évangile est la chose la plus attrayante que je connais. Et l'entreprise de Jésus-Christ est l'entreprise la plus prospère que je connais. Parce que vous aimez entendre ça? Voulez-vous en faire partie? Est-ce que de cette entreprise prospère? Vous êtes dans une affaire qui ne souffre pas d'incertitude. Nous sommes dans une affaire garantie de réussite. Jusqu'à l'enlèvement, ce sera plein succès. Oh, mais ça ne t'attend pas bien là-dessus. Nous allons réussir. Mais biso attend que piétonne biso. Togo talon. Amen. L'entreprise dans laquelle nous sommes entrés. Où Jésus-Christ lui-même est le chef. Il est le promoteur. Il est le parrain. Il est le sponsor. Il est le garant. Il est le sauveur. Il est le guide suprême. Il est le commandant en chef. Bon général à 5 étoiles. Cette entreprise est vouée au plein succès. Qu'il y ait des incrédules ou non, nous réussirons jusqu'au bout. Car il est écrit, dans tout ce qui arrivera, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aime le zèle, l'enseignement de l'évangile. Wanda sanza ya moko, moko. Kino suka na mbola, mbola. Kolembate, yesu akozonga. Kobanda sanza ya moko, moko. Kino na suka na mbola, mbola. Kolembate, yesu akozonga. Alleluia, alleluia. Quem bonaye, alleluia, yeso a kozonga. Tika bafingi bafinga, tika baseki baseka, tika bacholi bachola po ba yepete. Tika bafingi bafinga, ayuda, bacholi bachola bachola. Kabaseki baseka, baye pie. Oh, alleluia, alleluia. Kembona yeso. Alleluia, yeso akozonga. Tu crois Maranatha? Que Jésus revient, et qu'il reviendra, et qu'il nous prendra avec lui à son retour. Que Dieu bénisse ta foi. Ne t'occupe pas des ondits. Que Dieu bénisse ta foi. Occupe-toi des affaires du Père Céleste. Il y a mieux là-bas que dans le monde. Toujours et chaque jour. Il y a mieux chez Dieu que dans le monde. Il y a mieux dans l'église que dans le monde. Toujours et chaque jour. C'est ainsi. Alors, tango batangi likomami elaka. Maintenant, yoka ba pagano. Biso ba yewana. Hein? Biso ba yewana. Comment la scène mode? Écrit na biso ngoyo na verset 48. Tuku. Hein? Mine na mwambe. Comment écrit na biso? Biso ba yewana. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Est-ce que na tongo ayo se pelete kwa makamboyo? Que Yesu akoya ata basiki basiki batioli batioli bafingi bafinga na bango mais Yesu akoya playa zambe ekoko kisama nango. Amen, amen. Rien ne va empêcher ça. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Amen. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Amen. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Wana yokati ba pagano bongo ba sepeli mpe ba kumisi liloba na nkolo. Ba o yonso ba silaki kopona mapona bomo ina seko ba ndimaki. Mafinga esali rien. Zua ya bato mokili esali rien. Ba ebakana makinde kondima ezana kolika ba predestination. Zambe na bongisa terrain uta mokile ke la mate. Soka bomisa yo kondimela eza entourage te. Et ça va situation, et ça va circonstance, et qu'on va la prendre ensemble. Ce que Dieu avait déjà prévu, c'était là. Oh, je voulais croire, mais mon père, je voulais croire, mais mon employé, mon chef, mon directeur, peut-être, quand tu étais prédestiné, et que le temps est là, et que la parole est en face, le sel va s'allumer, la flamme va se déclencher, et rien ne pourra l'étouffer. Dieu contrôle tout. Dieu domine tous les esprits. Il domine tous les situation, il peut te tirer comme un tison, enflammé, mais il va arrêter du feu. Quand la moto se pèle nano, a kobimi sokuna, a kose okimia, o koko masiko ya Nzambe. Oba na komi chauffer na moto ya bon Nzambe. Que Dieu bénisse ta foi. Je veux que Dieu bénisse ta foi. Je veux vraiment ça de tout mon cœur. Que Dieu bénisse ta foi. La reine fructueuse. La reine prospère. La reine efficace. Je veux ça vraiment. Que le Seigneur oigne sa foi. Comme il avait oigné la foi de Moïse. Par la foi. Amen. Je veux que la même foi soit là. Et que Dieu bénisse ta foi. Ne peux pas me demander, mais comment puis-je la voir cette foi? Romains 10, verset 17. Loma, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Quand Dieu la suscite, elle n'est pas guérie. La foi qui vient de Dieu est une foi efficace. Celle que Moïse avait fabriquée lui-même, avant le bonjour ardent, il était une foi intellectuelle. Il avait été entretenu par sa mère Jochebed. Il lui disait, tu es un libérateur. Il voit le circonstance de ta naissance. Et puis, Moïse a pris ses idées de l'éducation. Et il a dit, bon, pour être efficace, je vais suivre la formation scientifique, historique, même religieuse, des Égyptiens. Comme ça, je serai un homme prêt. Maman m'a dit, j'étais pas le seul garçon. Tant que tous les garçons nés à mon époque. Bon, je pense que maman n'a pas maman Jochebed avait raison. Et vous savez quoi? Après avoir subi toutes les formations, il avait tous les galons. Tous les diplômes. La Bible dit dans l'Acte qu'il a été instruit dans toute la sagesse. Toute la sagesse. Il s'est fait des illusions. Il s'est fait des bonnes idées, de bons plans d'après lui. Mais nous appelons ça illusion, parce que tout ce qui n'a pas l'appui de Dieu, ce sont les rêveries. Donc il s'est dit, bon, je vais d'abord observer, parce que dans les droits des Égyptiens, vous ne pouvez pas frapper sans que quelqu'un ait d'abord tort, qu'il ait posé un acte. Il a trouvé un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. J'avais supporté. L'autre jour, j'ai dit, cette fois-ci, ça n'est trop. Je connais tout ce que vous connaissez. Bien, c'est bien, c'est bien. Formez-moi. Et toi, allez, vous voir. Allez, c'est de vous voir. C'est ce que la science a fait de vous. L'Égyptien mort là. Et Moïse, sans chercher de bêche ou de avec ses propres doigts, il a créé une tombe là. C'était un castor. Il rencontre encore deux Hébreux. Cette fois-là, il n'y avait pas de Juifs. Et il n'y avait pas d'Égyptiens. Il se chamaille. Donc lui commence à faire les pastorats. Vous êtes frères. Vous allez vendre quoi? Mais au contact de votre bunda, l'obi, obéti le bateau au bomi. Mais là, ce que vous bunda, tout n'a pas été un assalat, boma. Non, encore mieux pasteur. Eh, bon, vous êtes frère, vous n'êtes pas frère. Vous allez vendre quoi? Réconciliez-vous. Boyokana. L'un d'eux maintenant prend la parole. Pourquoi vous avez l'oba? Toi. Bio. Qui t'a établi chef cellule? Tu veux nous tuer? Comme tu avais tué l'Égyptien. Le Colombaki, mon égyptologue. Oui. Il a fait un géant secret. La chose est connue. Même à l'Égyptien. Il n'y a pas de déconner. Au lieu que ça l'encourage dans son corps. Il dit qu'il n'y a pas de déconner. Il dit qu'il n'y a pas de déconner. A Kangi Bissaka. Boutoum, boutoum. Bam! Maintenant, tu fuis quoi? Personne n'était ça. Personne n'est derrière toi. On n'a fait que s'interpeller par l'un de tes propres frères. Il s'en fuit. Ah, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gambes passées. Donc, on va m'arrêter bientôt. Et on va m'éjouer. Impéreux! Il est allé là-bas, loin. A Kimi, Kuna Moussika. A Bossani Makambouana, il y a ma délivrance, libérateur. A Kekuna, à Bali Naye, à Bali Kotonga Libota Naye, à Zoboko Labi Bouele. Et voilà, il s'est trouvé un autre métier quoi. Pendant des années. Mais 40 ans après cela, Dieu l'a rencontré au buisson. Donc il avait déjà oublié des affaires d'Égypte. Et il a oué sa foi. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Frère Bruna m'a dit, cette garantie-là, cette assurance-là de la part de Dieu, c'est ce qui avait manqué à Moïse depuis son enfance. Et si Dieu ne lui avait pas dit comme cela, il serait jamais retourné en Égypte. Vu ce qu'il avait connu là-bas, il ne savait que ce serait au risque de sa vie. Quand Dieu a dit, je serai avec toi, okay. Là, c'est conclu. Il s'est levé, il est parti. Alors qu'il a fui devant la menace d'un humain. Mes chers amis, il est allé affronter les chars du pharaon. Quand vous rencontrez le Seigneur, et que c'est une expérience authentique, même si les gens peuvent minimiser, même s'ils si ne peuvent pas en faire cas, vous savez ce qui vous est arrivé. Ayez foi dans le Dieu qui vous a croyé. Prenez ce Dieu-là au mot pour affronter n'importe quoi. Faites votre part et lui Dieu fera la part de Dieu. Soyez au poste du devoir. Imperturbable. Convaincu. Déterminé. Persévérant. Vous atteindrez le but. Je vous l'ai dit, vous atteindrez le but. Même si vous ne vous retrouverez que seul, vous atteindrez le but. Alors, Awa, la foi doit recevoir l'onction. Et ici, c'est païen, un acte très important. Ces païens également ont eu la joie. Il est dit, versets 51 et 52. Paul et Barnabas secouèrent contre eux, contre les Juifs, la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Paul onde ba poussela ki bango putulu na matembe na bango pe bakomi na ikoni pe bayekoli batonda ki na sengo pe na mulimo musantu. Le Seigneur est le même jusqu'à présent. Ne craignez pas les épreuves. Ne craignez pas les tribulations. Ne craignez pas les souffrances. Ça doit accompagner la foi chrétienne. Mais vous avez un garant dans l'invisible. Qui ne sommeille ni ne dort. Qui n'oublie aucune de ses promesses. Qui connaît tout ce qu'il a dit dans sa parole. Et qui est responsable de ce qu'il a dit. Dieu fera sa part du devoir. Je témoigne de lui qu'il fera sa part du devoir. Soyez persévérants. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la joie du salut. partant de l'évangile qui vous est destiné. Vous voyez. Donc, les uns rejettent, ils scellent leur sort, les autres reçoivent et croient, et ils scellent également leur sort, du bon côté et avec Dieu. Soyez du bon côté. Ne soyez pas de ceux qui rejettent, mais soyez de ceux qui profitent, de ceux qui en profitent. C'est merveilleux évangile. Alors, voyez que Paul, il s'est tourné vers les païens. C'était un tournant décisif. Basé sur la parole de Dieu. Et sur les faits réels qui se sont passés au milieu du peuple. Mais dès le départ, Dieu l'avait envoyé vers les deux. Vers les juifs, vers les païens. Et quand les juifs ont suffisamment rejeté, ils l'ont fait publiquement, jusqu'à chasser Paul et Barnabas de leur territoire. Alors, ils ont secoué la poussière de leur ville. C'était une décision solennelle. Ils sont allés vers les païens. Et les païens qui recevaient l'évangile en bénéficiaient la joie et surtout le Saint-Esprit lui-même. Sommes-nous aussi des païens comme eux? Est-ce que nous écoutons le même évangile? Avons-nous les mêmes droits d'avoir la joie? D'avoir la joie. La joie de l'évangile, le zèle qui produit l'évangile de paix, la joie du salut, d'être réellement sauvé par Dieu, et le Saint-Esprit lui-même. Avons-nous le droit à ça? Notre Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu est juste et fidèle. Obéissons à l'évangile et vous verrez la suite. Dieu fera sa part du devoir. Alors Paul, s'il a été apôtre, c'était par Jésus-Christ. Non pas que Jésus lui a dit, je te nomme apôtre. Je fais de toi apôtre. Mais on l'a vu à travers les termes ou la teneur de la commission. Les deux versets qui ont été lus dans Acte 22, hein, le verset 21 là, et aussi Acte chapitre 26, le verset 17. Vous voyez les deux? Le Seigneur a utilisé le mot envoyé. Et c'est de là que Dieu s'est qualification. Et Dieu soit béni. C'est-à-dire, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et quand le Seigneur envoie quelqu'un comme cela, il nous a donné une loi. Dans Acte chapitre, dans Jean chapitre 13, le verset 21. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Croyez-vous que c'est la vérité? Donc, à travers les envoyés du Seigneur, nous recevons le Seigneur lui-même. Il nous faut le faire. Nous ne devons pas refuser de le faire. Ces juifs-là qui ont rejeté Paul et Barnabas, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté la vie éternelle. Ils ont scellé leur sort dans les ténèbres. Mais les païens-là qui ont reçu Paul et Barnabas, qui ont cru à l'évangile qui leur a été annoncé, ils ont reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la joie à nous. C'est le cas. Ne commettez pas le péché d'incrédulité, mais croyez chaque fois que l'occasion vous est donnée. Amen. Maintenant, dans notre pensée, vérité que nous voulons partager aujourd'hui, la deuxième commission de William Branham, on l'a vu et commenté suffisamment. Et la première commission de William Branham, on l'a vu aussi commenter suffisamment. Et avant ça, l'appel de William Branham, on l'a vu commenter suffisamment. Alors, ce que j'aimerais que nous puissions dire aujourd'hui, c'est aller droit au but. William Branham, vous direz, mais vous avez lu au sujet de Paul Barnabas, mais Branham vient encore d'où? Donc Branham est dans les promesses. identifié comme dites-moi. Et voilà. William Branham identifié comme apôtre. Apôtre et prophète. Thomas et Mosakoli. Par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Je vous avais dit, en parlant de la première commission, du 18 juin 1933, nous vous avons dit que le Seigneur, dans le terme de sa commission, adressa son propre à son serviteur, il a comparé au prophète Jean-Baptiste. En disant, de même que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue dans le monde entier. N'est-ce pas vrai? Oh, au sujet de Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ a rendu ce témoignage de tous ceux qui sont nés de femmes. Il n'en est point parlé de plus grand que Jean. Et je vous dis que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Mais au moins, considérez ceux qui étaient nés de femmes. Y compris même Moïse. Ata Mose, qui avait vécu autrefois. Y habita qui cala. Il n'en avait pas parlé de plus grand que Jean. Isala qui a moné n'était le colo Yohane. Dites Moïse. Olubi Mose. Oui, c'est le Seigneur qui parle. Isali colo colobaka. Amen. Amen. Qui a-t-il plus grand que Moïse? Le Seigneur a dit ça. Iyo colo olubi bongo. Moïse était né de femme. Moïse a botté magi na moisi. Amen. Mais dans l'imaginaire et le mental des Hébreux, Moïse demeurait le seul plus grand prophète. Mose azali Moïse kola monene wa tikali. Amen. Puissant en œuvre et en parole, maloba, inégalé. Mais de leur jour, Dieu a suscité Jean-Baptiste qui n'a fait aucun miracle. Mais le Seigneur qui l'a envoyé dit de lui que de tous ceux qui étaient nés de pas, il n'en avait pas parlé de plus grand que Jean. Car ce Jean-là était même plus qu'un prophète. Amen. Donc Moïse était prophète. Mosazaji Mosakoli. Mais Jean-Baptiste était plus que pas un prophète. Et à l'état qui coûte Mosakoli. Amen. Vrai. Et quand le même Seigneur parle à Branham. Dans mon colombo à l'Oveli Branham. Il dit de même que j'avais envoyé Jean-Baptiste. Voilà qui avait suscité Jean. Il est qualifié et conditionné. Il avait formé quelque chose. Je suis le même et je t'envoie. Avec un message. Pour préparer ma seconde venue. Ça dit quelque chose. Amen. Nazo limbole le côté. Je ne fais que répéter ce que Dieu a dit. Quand je ne fais que répéter ce que le Seigneur a dit. Essayez d'amplifier cela pour le rendre clair et évident pour chacun de nous. De sorte qu'en en parlant, nous ne soyons pas superficiels ni légers, mais on soit sérieux et profond. Parole du Seigneur et non pas des noms. Le même que j'ai envoyé. Le même Dieu avait envoyé Paul. Mais il n'a pas dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Je t'envoie Paul. Non. Il a dit seulement va, je t'enverrai au Lembrénaire. Le même Dieu avait envoyé Pierre. Mais il n'a pas dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Non. Il a dit, je ferai des faux péchés dedans. Il deviendra un pécheur d'homme. Quand il sera converti, a permis ses frères. Il a dit ça comme ça. Mais au temps de la fin, c'est le même Dieu et la même église. Il est souverain dans ce qu'il fait. Et il est vrai dans chaque mot. Chaque mot a son sens et sa valeur. Nous n'avons pas à déformer, mais nous avons à garder. C'est même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie. Est-ce que c'était ton grand-père qui a dit on a dit ça? Ils avaient Koko Nonde Malomela Kibongo. Koko dit Koko Nayo. Mutumusus Wana. Ye Wana. Frère Wana Kaka. Malomina Ye Bongo. Koyoga Zoua Lugola Bayudati. Oui, il fallait Zalangaï. Azala Ina ma famille Nangaï. Bongo Nde Nako défendre encore mieux. Non, frère. Dieu est souverain. Il a jeté son dévolu là-bas. Il y avait des milliers de gens là-bas à la rivière. Ils n'ont même pas entendu ça. Parce que ça leur était pas destiné. Ni à leur famille biologique. C'était Branham. Amen. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Non seulement aux États-Unis, non seulement au continent américain, mais dans le monde entier. C'était la première commission. Dieu peut-il comparer ce qui n'est pas comparable? Moi, je peux dire cette fois-là, acquittez-moi si vous voulez. Je peux dire que William Branham est un prophète de même niveau que Jean-Baptiste. Et plus que Jean-Baptiste, il n'a pas seulement prêché, mais il a fait beaucoup de miracles. Et il avait donc plus que ce que Dieu avait donné à Jean-Baptiste. Wana funda ngai sugolingi. Nakoni manangai ngamutu na robi. Êtes-vous là? Nous sommes dans la vérité des faits. Vous allez kati ya bosolo ya makolo. Paul s'est tourné vers les païens. Paul a te balou. C'est pas des sentiments fanatiques. Il fait passer les choses. Les kati makolo. Ces gens ont vu ces oreilles en catastrophe. Ils ont pris une décision. Ils ont tiré une conclusion. Bango kati tina. Nous aussi nous voyons les faits. Dieu a parlé. La Bible a prédit. Et la commission est donnée. Et tout est clair. Non, c'est allé polele. Soko boy kondima oyo na lobi ndima omo on zamba lobi na tina Branham. Pe langa yango explication ndenge yo sosoli yango. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Il compare l'homme à Jean-Baptiste d'une façon inédite. Dans tous les nouveaux une telle comparaison n'a pas eu lieu. Dans la commission de la paix d'un serviteur. Il n'y en a pas eu. Ce qui veut dire que la commission là que Dieu a donnée à sa voix est une commission authentique. Importante pour la préparation du retour de Christ. Et la deuxième commission que nous avons examinée, nous avons dit c'est celle du 7 mai 1946. Et c'était la première fois que l'ange qui l'accompagnait, dont il entendait souvent la voix, c'était la première fois que cet ange est apparu. Et quand il s'est mis à parler, Frère Branham a reconnu que c'est la voix qui lui avait toujours parlé de Branham. Mais cette fois-là, il a vu la forme de l'homme. Il pesait 97 kilos. Il avait des cheveux noirs. Il était de teinture sombre. Basané. Donc on a pembe moindo. Non pas bazardé. Basané. Hein? Voyez ça? Mouniango. Et il était pieds nus. Yazalaki makolongolu. Il avait les bras croisés. Azalaki na maboko ya kokangama. Mais chaque fois qu'il vient à son serviteur. Alors, au serviteur de Dieu, je vais dire, pas le serviteur de l'ange. Serviteur de Dieu. Il vient toujours du côté droit. Ayakata monoso na loboka mobali. Et il lui a parlé. Alobeli. Expliqué le pourquoi de sa vie incomplète. Parce qu'il était envoyé par Dieu. Pour prier pour les malades. On a pour la terre pour prier pour les malades. Envoyé par Dieu comme porteur d'un don de guérison pour toutes les nations de la terre. Nous y croyons. Et je vous ai dit que jusqu'à présent, ceux qui croyaient à ce message tel qu'enregistré sur Banan et qui reconnaissent que ce vase que Dieu a utilisé pour nous prêcher son message de préparation était également porteur d'un don de guérison. Ils ne reçoivent encore de miracles même après la mort de l'homme, parce que Dieu soutient ce don. C'est que votre foi croit. Là où vous pouvez l'amener, elle produira autant de résultats, aussi loin que vous irez avec la foi. Dieu reste Dieu. Et il est le même. Et dans cette deuxième commission, l'ange a comparé William Branham au prophète Moïse. Alors que dans l'imaginaire du peuple d'Israël, Moïse était le plus grand prophète. Mais selon le Seigneur, c'est Jean-Baptiste le plus grand. Êtes-vous là? Maintenant, quand il vient parler à William Branham, il cite les deux grands d'Israël. Les deux grands prophètes d'Israël. Mais il les charge, lui, de sa mission à lui. En citant comme référence, exemple biblique, les deux grands prophètes d'Israël. Le premier plus grand prophète, Moïse, connu pendant des siècles comme inégalé. Et le dernier qui était passé inaperçu. Quand le Seigneur a dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qui ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme bon les rassemblés. Pourtant, il était le plus grand prophète. Mais au temps de la fin, le Seigneur notre Dieu, pas un homme, mais un groupe d'hommes, lui-même prend les citations en référence. Il tire un parallèle. De même qu'il avait été donné à Moïse, toujours de même. Mais c'est le même Dieu. Pas le même homme, mais le même Dieu. Les hommes ont changé. Moïse n'était pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas Branham. De même qu'il avait été donné à Moïse deux signes, il te sera donné aussi à toi. Ça, Jean-Baptiste n'avait pas reçu. C'est original. Nous décrivons la chose telle que ne sait pas. Et c'est répété des milliers de fois. Et c'est toujours la même chose. De même que deux signes ont été donnés à Moïse, il te sera aussi donné. Le premier signe, c'est que de ta main gauche, tiendra la main droite du malade. Et il te sera dit de quoi il souffre. C'est pour le signe dans la main. Mais si tu continues à être sincère, et que tu n'utilises pas tes propres pensées, il arrivera même qu'il te sera révélé les secrets de l'incarnation. Si ne te croient pas à la voix du premier signe, ils te croiront à la voix du deuxième. Mais si tu amènes les gens à te croire, sache alors que rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. C'était la deuxième commission. Donc d'après la première et la deuxième commission, On dira le style de comparaison utilisé par le Seigneur. William Branham ne pouvait pas manquer d'être un prophète. Je l'ai dit et je le répète. Lui-même n'a jamais dit qu'il était un prophète. Nous reconnaissons ce fait-là. C'est réel. Mais à partir de ces deux commissions, et le langage qui est utilisé par le Seigneur, le parallèle que lui-même tient, il ne pouvait pas manquer d'être un prophète de Dieu. Et dans les deux commissions, le Seigneur utilise le verbe envoyer. Là-bas, il a envoyé avec un message. Entre-toi. Et le 7 mai, 1956, il a envoyé prier pour les malades. Il l'envoie. Donc, William Branham était envoyé. Êtes-vous là? Mais, si je prends juste l'expression envoyer, oui, effectivement, ça ne suffit pas pour dire quelqu'un qui est un apôtre. Il ne suffit pas que Dieu lui ait dit que j'étais envoyé, alors qu'il est envoyé, qu'il soit devenu apôtre. Bibliquement parlant, on ne peut pas commettre cette bavure. Hein? Vous vous rappelez ici dans Luc chapitre 6. Vous vous rappelez, c'est ce que nous avons dit là-bas. Luc chapitre 6. Le verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ce n'était pas dans l'idée des disciples eux-mêmes de se faire apôtre ou de se dire apôtre. Mais c'est du Seigneur qui sont tirés la qualification. Lui-même leur a donné ce nom. Et dans le chapitre 10, on l'a vu, on peut revenir. Le verset 1. Après cela, donc après le tour de 12, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Nasimana makambo oyo kolo aponaki mpe ba mosusu tukusambo pe atinaki bango mibale na mibale liboso na ye kati na bamboka yonso na bisika yonso bilingaki ye kokenda. Il les a envoyés. Et après être parti, il a dit, ils ont dit ceci au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les 70 qui? C'était les envoyés. Mais le Seigneur ne leur a pas donné le nom d'apôtres. Ce n'était que des disciples. Nous respectons ça. Bien que c'était des disciples envoyés, mais lui, le Seigneur qui qualifie les gens, il n'a pas donné le titre ou le nom d'apôtre. Et par conséquent, ce n'était pas des apôtres. Amen. Parce que le Seigneur ne l'a pas dit. Nous devons respecter ses décisions. Respecter la véracité de sa parole. Avec ce fondement fondamental. Même les croyants d'Éphèse ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Ce n'est pas un titre que l'on se distribue comme des cacahuètes. Ou qu'on s'attribue à volonté. À jouer. C'est Dieu qui en fait les gens. Dans Apocalypse au chapitre 2, l'Écriture dit ceci. Verset 1 et 2. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Comme la moi j'ai la lingomba na FCT, oyo ajali kosimba mioto yango sambo na loboko na ye ya mobali, pe ajali kotambola na kati na bitemelo na mwinda na wolo yango sambo alobi boyete na yebi misala na yo na kwale na yo na mpiko na yo pete okoki kondima baoto baoyo ya mabete na yebi pete osili komeka baoyo bakolobaka ete bajali bantoma nde bajali bongo te pete ozwi bango bato na lokuta. Quelle honte que de s'être promené partout, avoir publié, raconté aux gens que vous êtes apôtres. Mais le seul qui qualifie et qui établit les apôtres ne vous reconnaît pas en tant qu'apôtre. Apoitio. Pe aye kope salongonia na bandi melinaye oyo ba poati bino. Des faux apôtres. Batoma lokuta. Menteur. Paul qui a reçu ce qualificatif par commission direct du Seigneur lui-même, il s'est estimé indigne d'être appelé apôtre. Et il s'est déclaré le moindre des apôtres. Et pourtant a travaillé plus que tous les autres apôtres. Mais toutefois non pas lui l'homme, mais la grâce de Dieu qui était avec lui. Mais comment et par quelle sorcellerie les gens qui ont pris un peu de piment et qui ont pris un peu trop de tangawisi et le ventre chauffe, ils se mettent à parler de n'importe quoi et puis ils disent qu'ils sont apôtres. Je ne sais pas. C'est quel intérêt qu'ils auraient à faire ça? Soyons sérieux. C'est lui qui a eu ce qualificatif. Toi tu sors et puis tu as l'audace. Non pas n'importe quel ministère, mais c'est lui d'abord. Mais qu'y a-t-il de particulier dans ce titre-là? Il y a du contenu. Il y a du contenu divin. Ce n'est pas quelque chose à profaner. Ce n'est pas un jouet à balancer. Ce sont des titres sacrés. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit que Dieu a établi sa église. Premièrement les apôtres. En disant premièrement, c'est l'un des contenus divins. N'en faites pas dernièrement. Mais c'est premièrement. Alors vous n'enviez pas ça. Quand Dieu ne vous a pas destiné à ça. Quand Dieu ne vous connaît pas tel. Quand les ministères qui sont établis dans l'église, Abraham dit qu'ils dépendent de la préscience de Dieu. Donc si quelqu'un doit être un ou l'autre ministère, c'est que Dieu l'a connu avant. En tant que tel. Et rien ne va l'empêcher de Dieu de manifester en lui tout ce que son plan avait prévu en son égard. Et il a établi dans l'église premièrement les apôtres. Premièrement dans l'église les apôtres. Et pourtant Paul, on l'a lu ici dans 1 Corinthiens chapitre 4. Ça y est d'ailleurs écrit là au tableau dans les références que vous avez la gentillesse de noter. 1 Corinthiens 4, on a lu ici au verset 9. Paul dit ici, car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Les derniers des hommes. Les premiers dans l'église. Mais les derniers des hommes. Vous comprenez la nuance? Dieu les a établis premièrement dans en première position de ministère. Et l'appel le plus élevé. Dit frère Branham, et c'est lui d'un apôtre. C'est l'appel le plus élevé. C'est lui être apôtre. C'est du contenu divin. Ce n'est pas un jouet à balancer. Ce n'est pas un titre à profaner. Nous les gardons sacrés. À la place que Dieu le veut. Car Dieu a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Tout ce qu'on doit souffrir, tout ce qu'on doit subir dans l'apostolat, et au service de Dieu, les anges de Dieu témoins, les hommes témoins, le monde entier témoins. Imaginez ça. Mais ce sont ceux-là que Dieu a établi premièrement dans l'église. Ce n'est pas un titre à envier, comme s'il y a tout l'or du monde là-bas. Donc, Fandane et Siganayo. Amen.